faces ain't the same anymore. It bites Marillion on the 12th night of Rush. They all tried but bitterly failed. What a shame, replacing Genesis. Voilà, il s'intitule Agenes, A-G-E-N-E-2-S. Le titre d'album, si vous insistez, c'est Showing Paces. Alors un titre, Revelation, on va faire un petit commentaire de texte à 10h16, ça peut peut-être vous aider à émerger. Donc ce titre, ce morceau, est un clin d'œil assez nostalgique à la grande ère du progressive, c'est-à-dire les années 70, 73, 75, dans ces années-là. Vous avez vu qu'il y a un clin d'œil plus que fort à Genesis avec une reprise de I Know What I Like, extrait de Selling England by the Pound de 73. Prenez des notes, je l'espère. Oui, donc un clin d'œil également, donc un côté très nostalgique et un constat un petit peu amer par rapport à l'échec du progressif des années 80, c'est-à-dire IQ, 12 Night et j'en passe. Et d'ailleurs, ils sont cités dans la chanson. Bon, je crois qu'il faut être quand même un petit peu positif et se dire que le progressif se porte pas trop mal au jour d'aujourd'hui, des années 90, même si on ne discerne pas toujours le style, la touche, la patte des années 90s. Voilà, mais c'est quand même pas mal. Morceau de choix c'est pour cette émission, c'est Tales from Yesterday. Je vous disais qu'on allait passer au grand, et ben ça y est, on est en plein dedans. Voilà une compilation de chez Magna Carta, c'est un label américain, qui édite entre autres les disques de Magellan. Je disais donc une compilation de Magna Carta, qui fait un hommage à Yes. Alors déjà une couverture qui est signée par Roger Dean, rien que ça, donc le dessinateur attitré de Yes, rien que ça. Et puis donc toute une série d'hommages, c'est-à-dire des groupes américains, je vais vous en citer quelques-uns, vous allez dire pétard, je connais, qui reprennent des morceaux de Yes, avec plus ou moins de bonheur. Mais dans l'ensemble, le package est excellent. Voilà quelques exemple de reprise: Robert Berry qui nous reprend Roundabout, Steve Morse, Mood for a Day, Magellan. On a également Shadow Gallery, World Trade, Kero, Patrick Moraz, et j'en passe et des meilleurs. Je ne ferai pas dans la dentelle, c'est très très beau, et nous allons écouter deux morceaux. Voilà, on va écouter tout d'abord un premier, qui est tout simplement Siberian Cat Through, qui est un groupe lapsus révélateur, qui est un morceau qui m'est tout à fait cher, repris par un petit groupe archi inconnu, Stanley Snail, ces deux gars de Los Angeles qui sont amusés à reprendre ça. Vous allez voir, c'est de très haut vol. Stanley Snail, donc l'escargot de Stanley, si vous préférez, une reprise de Yes, Siberian Cat Through. Je termine ici en vous disant que ça vient de Close to the Edge, qui lui est daté de 72. Close to the Edge, l'album de Yes, superbe, celui qui est vert, vous savez bien. We'll be right back.

C'est pas volontaire, c'est pas pour vous brouiller les cartes et vous confusionner dans la tête que je vous ai passé une reprise d'un morceau de Yes par l'ami Fish. Voilà, il se trouve que Monsieur Fish soi-même vient de sortir deux albums, un double album mais en volume séparé, le Yin et le Yang. Voilà, le Yin et le Yang, c'est une compilation de reprises à la fois marillionesque, à la fois fichesque et puis d'autres choses. Et parmi donc les reprises, on retrouve ce Time and the World. Pour les gars qui ont quelque chose dans la tête, ils vont se dire pétard, c'est vieux tout ça. Effectivement, souvenez-vous, nous étions en 70 et c'était le deuxième album de Yes. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, comme dirait ma concierge, d'autant plus que je n'ai pas de concierge. Et donc, c'est également un album du mois. On va y revenir, n'ayez pas peur. On va s'étaler un peu plus langoureusement sur cet album. Voilà, mais je reviens à Tales from Yesterday, puisque c'est le titre de cet hommage américain essentiellement à Yes, avec une reprise de Steve Hove et Annie Haslam. Il vient de dire américain, oui, c'est en majorité américain, mais il y a effectivement quelques Anglais qui ont réussi à s'infiltrer malgré la douane. Steve Hove, c'est le guitariste de Yes, donc là, no problemo. Annie Haslam, pour les plus érudits, c'est la chanteuse de Renaissance. Ils nous reprennent Turn of the Century, vous allez voir, c'est véritablement superbe, le morceau phare de cette compile. Form out of stone, set hands moving. Rohan shaped his heart through his working hands, worked to mold his passion into clay. Like the sun in his room, his lady, she would dance and sing. So be still, he now cries, I have time, oh let clay transform thee so. In the deep cold of night, winter calls, he cries, don't deny me, for his lady. Transform me. superbe, voilà, je n'ai qu'un mot à dire, c'est vraiment superbe. Voilà, extrait donc de cette compilation Tales from Yesterday, qui est de toute beauté, hein. Je vous ai donné deux extraits, mais tout le reste est de ce niveau. Voilà, donc en vente dans toutes les bonnes épiceries, et même peut-être pas encore les supermarchés, le progressif est un objet un peu rare, mais tant mieux, c'est pas plus mal, c'est un petit côté un peu objet précieux qui n'est pas pour me déplaire. Je disais donc que notre ami Fish, ex-chanteur de Marillion, voilà, faut être un peu pédagogue hein, en ce début de saison, eh bien, a sorti une double compilation, Yin and Yang, et donc on y trouve plein de choses, des reprises de son propre répertoire, ainsi que des reprises de Marillion. C'en est une, c'est Incubus que je vous propose, vous allez voir, ça déménage pas mal. Et pardon, et c'est en exclusivité, une de plus sur Bande à Part. Que demander de plus ? Thank you. can't hide me under the stairs. The custodian of your private fears. Your leading actor of yesterday. Thank you. listening to Bande à part, the progressive program in Lyon. Loin des frontières géographiques et historiques, le progressive dans toute sa splendeur, c'est le dimanche de 10 à 12, le 15 de chaque mois. Il parle bien, le bonhomme, je suis bien d'accord avec lui, effectivement, c'est une fois par mois. Yin et Yang, voilà, on revient dessus. Yin, donc je vais vous dire un petit peu les morceaux qui se répartissent. Il n'y a pas vraiment d'unité hein, entre chaque. C'est un mélange, je n'ai pas senti en tout cas de tri. Hein. Alors sur le volume 1, donc Yin, Y-I-N, Incommunicado, par exemple, on retrouve Family Business, on retrouve Time and World, on retrouve Incubus, on retrouve Raw Meat, Boston Tea Party et j'en passe. Sur le Yang, je saisis, dont je vais vous passer un extrait, je suis bom-bom-bom, je suis bien brave. On trouve par exemple Big Wedge, on trouve Lavender, Credo, A Gentleman's Excuse Me, Kelly, Sugar Mice, et puis on retrouve le Punch and Judy, et oui, c'est ce qu'on va entendre maintenant. Punch and Judy, un morceau donc du répertoire de Marillion, sur le volume Yang, Y-A-N-G cette fois-ci, des deux nouveaux fiches. Voilà un extrait donc de Yang, Punch and Judy, une reprise par notre ami Fish. Il est 11h-5, 10h56, vous êtes sur Brume et c'est Bande à part, l'émission du rock progressif, c'est la rentrée. Voilà, je vais vous donner tout de suite le numéro de téléphone de l'émission et de Brume. Si vous voulez me contacter pour des recherches au niveau du disque, certes, à Lyon, nous avons le bonheur, le plaisir et l'avantage d'avoir un rayon progressif très fourni. Merci Christian, à la FNAC Bellecour, j'insiste pour le terme Bellecour. Donc un rayon progressif tout à fait fourni, mais on n'y trouve pas tout. Et votre humble serviteur ici présent, eh bien, peut se débrouiller pour compléter votre collection. Il suffit de me passer un coup de fil et puis je ferai tout ce que je pourrai pour vous aider. Voilà, 78 25 2000. Également, si vous voulez des renseignements sur les magazines, on va y revenir, sur le monde progressif en général, n'hésitez pas, les labels, si vous êtes un groupe et que vous voulez signer sur Musea, par exemple, ou ailleurs, n'hésitez pas non plus, on peut vous aider. Donc, tout ce qui concerne le progressif, magazines, disques, groupes, bonnes adresses, concerts, etc., c'est ici qu'il faut s'adresser, le 78 25 2000, ou si vous préférez, 78 25 20 00. Voilà, également, eh bien, comme chaque émission, comme chaque mois, vous savez qu'on a à cœur de vous faire gagner des petits disques progressifs. Et oui, votre humble serviteur se dessaisit la larme à l'œil de quelques objets rares qu'il a dans sa collection pour vous faire découvrir cette musique. Voilà, donc il suffira d'appeler dans un petit moment quand j'aurai posé la question, une question d'une simplicité redoutable. Il suffira d'appeler et pour répondre à la question. Et bon, si vous êtes parmi les premiers, il y aura 4 disques aujourd'hui à gagner. Je suis très généreux. Eh bien, vous pourrez emporter un disque qui sera même livré gratuitement chez vous. Voilà, ça sonne déjà, donc je vais quand même lancer la suite. Je disais tout à l'heure, on a parlé donc de Magna Carta, ce label américain qui a donc fait cet hommage à Yes. Ils ont fait également un hommage au Floyd. Ça s'intitule The Moon Revisited. Revisited. R-E-V-I-S-I-T-E-D. Revisited. Voilà, et donc il y a pratiquement les mêmes groupes que sur la compile Tales from Yesterday, les Magellan, les Enchant et les Shadow Gallery, j'en passe, et des meilleurs. La grosse différence par rapport à la compilation Sus nommée, c'est que ce n'est pas véritablement un hommage, c'est carrément la reprise, la redite, on rejoue en intégralité de Dark Side of the Moon. Ça peut être effectivement épatant, d'autant plus que l'objet est très très bien fait, y compris le mixage, l'interprétation, c'est super. Seulement voilà, moi ça me laisse un petit peu sec, un petit peu froid, dans la mesure où on a l'impression que c'est que des covers, c'est-à-dire que on répète le grand groupe sans vraiment se rendre marqué, sans vraiment être original. Donc c'est très bien foutu, mais ça a quand même beaucoup moins de touches, de pattes, que la compile de Yes, enfin en hommage, où il y a quand même un peu d'originalité, de personnalité. Je vous passe quand même un extrait, c'est tout simplement Monet, repris par Magellan. Vous allez voir, c'est le seul morceau qui a un petit peu de personnalité, qui se démarque, et qui en même temps reste assez proche, en tout cas de l'esprit du Floyd. Un mélange d'hommages, on arrive au niveau du Floyd, et en même temps, on s'en démarque, c'est ce qu'il fallait faire, et malheureusement, il n'y a que Magellan qui y parvient. Je vous laisse le juge, j'arrête de blablater. Voici donc Magellan, Monet, extrait de cette compilation en hommage au Floyd. Private,